médias sont des médias de parti pris. Revendiquer la repolitisation de la question médiatique ou refaire des médias à une question politique, c'est-à-dire ce qu'elle est. Évidemment, c'est un engagement, et c'est un engagement qui n'est pas simplement culturel. C'est un engagement qui a un sens politique tout à fait précis. Est-ce que t'entends ? On lutte pour une réappropriation démocratique des médias. Objectivité, non. Exactitude, oui. Mais les faits exacts sont toujours solidaires d'une interprétation. Sur Radio Thieu, 89.5. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour aussi aux autres. Vous entrez dans Plus Fort, J'entends Rien, le Mac d'Actu tout terrain. Mercredi à midi en direct, rediff à 19h et le jeudi à 8h du matin aujourd'hui. Eh bien, le contexte, pour une fois, j'avais presque envie de dire tombe à point nommé. Nous allons parler de solidarité internationale. Nous ne parlerons pas spécialement du conflit en cours, même s'il est possible qu'il soit évoqué à droite ou à gauche, ou qu'il arrive dans le sujet très prochainement. On parlera d'Alarmphone, un réseau de solidarité et d'entraide pour les migrations. Vous en saurez plus tout de suite. Après ce début, on va commencer par mon coup de cœur de la semaine. Il s'agit de l'album de Bongeziwe, Ma Bandla. C'est un songwriter sud-africain, histoire de montrer qu'il est important de laisser remonter toutes les cultures de l'Afrique, du plus au sud, et les laisser traverser la Méditerranée, notamment pour arriver jusqu'en Occident. Bongeziwe Mabandla, qui sortait en mai 2023, un super bel album qui s'intitule Amexasha, qui est sorti sur le label Black Major. C'est plutôt folk, doux, électronique, mélancolique. J'ai trouvé que c'était un très beau disque, très varié. Je vous conseille largement son écoute. Voici tout de suite un extrait de cet album. C'est la deuxième plage. Elle s'intitule Sissa et Leleni. Bienvenue sur Radio Thieu. 8, 99.5 Radio Dio et on va commencer par souhaiter un anniversaire. Je n'ai pas eu le temps de télécharger la petite musique de rigueur, mais on va faire comme si je ne chantais pas, histoire de vous mettre quand même bien plus tôt dans cette journée. Et on reçoit un membre du comité Antifa de Saint-Étienne. Salut à toi. Salut. Est-ce que tu m'entends bien ? Alors oui, je t'entends bien, un peu de loin, mais ça va aller. Écoute, je vais essayer de me rapprocher, mais tu n'es pas à côté. Donc, un anniversaire, une décade, 10 ans du comité Antifa, et un événement qui sera en soutien notamment à notre invité du jour, le collectif Alarmphone. Est-ce que tu pourrais peut-être commencer justement par faire un lien entre une vigilance antifasciste et le fait de soutenir ce réseau Alarmphone ? Qu'est-ce que ça a sens pour vous ? Eh ben nous déjà il y a des liens, c'est sûr qu'à Saint-Étienne il y a des liens forcément avec les personnes qui sont impliquées dans le réseau puisqu'on fréquente un peu les mêmes espaces politiques. Et puis après pour nous en fait il y a un lien logique entre lutte contre le fascisme et puis une lutte pour la liberté de circulation et de l'installation pour tous les êtres humains. Sans compter en plus le fait que il y a une dimension raciste et coloniale dans tous les projets de loi anti-immigration et puis que des dispositifs anti-immigration également. Donc pour nous, le lien était, il faisait sens, quoi. C'est vrai que dans le programme que vous évoquez, donc je rappelle, cet anniversaire sera fêté les 27, 28 et 29 octobre 2023. Il va commencer par toute une série de conférences où le mot colonialisme apparaît, à côté du mot racisme, genre, féminisme, écofascisme. La nébuleuse de cet antifascisme que vous construisez, est-ce qu'elle s'est diversifiée au fur et à mesure des 10 ans ? Est-ce que les pratiques et les liens se sont étendus et pour faire du sujet de l'antifascisme quelque chose de plus large ? Ouais, un peu, parce que nous, ce qu'il faut dire déjà de base, c'est qu'on est on s'appelle comité parce qu'on est justement un regroupement de réseaux. Donc on est des gens issus de milieux de culture politique, on va dire, différentes. Et au début, on était plutôt un comité de réaction, à savoir qu'on était là dès qu'il y avait l'extrême droite qui pointait le bout de son nez. Et puis au fur et à mesure, on s'est transformé en un groupe politique à part entière. Et pour nous, c'était important parce que c'est un peu le cœur de l'antifascisme. C'est historiquement, c'est ça, de toujours faire des ponts avec la question anticapitaliste. Pour nous, on peut pas être antifasciste sans être anticapitaliste. Et c'est vrai que nous, c'était aussi intéressant, et notamment, on le voit sur notre cycle de conférences sur le vendredi 27. Justement, en fait, de le décliner sur pas mal d'aspects de la société et notamment des sujets dont parfois on parle peu et pour justement essayer d'aller plus en profondeur, on va dire. Alors peut-être un petit retour sur 10 ans de pratique antifasciste à Saint-Étienne. Comment est-ce que le comité a évolué ? Tu as commencé un petit peu, mais aussi en termes de volume un petit peu du groupe. Comment est-ce que vous avez l'impression de vous être adapté à 10 ans de pratique ? En fait, nous, on a comparé à d'autres villes, je pense qu'on a quand même un peu de la chance parce qu'il y a à Saint-Étienne, on a quand même une présence de l'extrême droite, que ce soit de manière électorale ou que ce soit même dans la rue, qui est quand même relativement faible. Et du coup, c'est justement ça qui nous permet derrière d'avoir le temps de pouvoir avoir des grands temps de réflexion et d'analyse et de déconstruction un peu du discours d'extrême droite. Du coup, c'est vrai que nous, on s'est quand même pas mal centré là, notamment ces quelques dernières années. C'est pour ça que je disais qu'avant, on était quand même plus dans la réaction, plus militante, plus de mobilisation, plus d'annulation, de concerts, de venues, de personnalités d'extrême droite, etc. Et là, depuis quelques années, on essaye plus justement de se dire que tous les savoirs qu'on a pu acquérir au fur et à mesure, en fait, on essaie de les transmettre. Donc là, on a notamment fait pas mal de petits livrets, notamment un qui est sur reconnaître l'extrême droite pour mieux la combattre. Et qui est justement de tenter de définir tous les courants politiques qui composent l'extrême droite, que ce soit royalisme, que ce soit les nationaux révolutionnaires, etc. Et pour essayer en fait de faire en sorte que le plus grand nombre puisse savoir en fait de quoi on parle, de qui on parle. Et voilà. Donc aujourd'hui, on est quand même vachement plus sur un travail, on va dire, d'information. Ça peut s'apparenter d'ailleurs au site La Horde, qui est un collectif à Paris qui fait pas mal de travail justement là-dessus. Et voilà, et en fait tout ce qu'on a un peu accumulé, d'essayer de le diffuser, quoi. Et alors, au niveau du front opposé, justement, en disant aussi, est-ce que vous avez réussi à cibler notamment une modification un peu de l'environnement d'extrême droite, de nouveaux courants, de nouvelles pratiques aussi ? En fait, ce qui s'est un peu passé, ce qui a été un peu nouveau, c'est surtout l'arrivée de Zemmour, on va dire, sur l'échiquier politique, parce que il a permis notamment à pas mal de, déjà il a permis en fait à Reconquête de créer une cellule sur Saint-Étienne, une cellule qui s'est un peu discrète, mais qui a quand même pas mal collé pendant les élections présidentielles et tout ça. Et il a permis à pas mal de d'individualités qui gravitaient d'avoir, on va dire, un point d'ancrage. Et ça, ça a été un peu quelque chose de nouveau, c'est qu'on a vu l'apparition à Saint-Étienne de stickers qu'on voyait pas à Saint-Étienne, donc des anti-antifa, de petits tags de temps en temps. On reste sur une présence, on va dire, légère, mais du coup, ça nous a quand même fait comprendre qu'il fallait quand même qu'on accentue encore plus cette vigilance, là, un peu dans la rue, etc. Et alors, justement, au niveau électoral, on peut dire quand même que les idées nationalistes se sont largement ancrées dans ces 10 dernières années. Est-ce que, mis à part Zemmour, vous avez l'impression que cette acceptation un petit peu et parlementaire et électorale de ces idées nationalistes se sont ancrées quand même dans des pratiques de manière un peu différente ? Ouais, c'est un peu difficile. Nous, pour nous, c'est un peu difficile à le vivre, à le visualiser. Mais forcément, en fait, il y a quand même plus une question de libération un peu de certaines choses. C'est pour ça que on parlait de recrudescence un peu de d'actes, on va dire, à Saint-Étienne et des choses qu'on n'avait pas l'occasion de voir à l'époque. Et puis de possibilités pour l'extrême droite d'essayer de tenter des petits rassemblements à Saint-Étienne comme si de rien n'était. Et choses qui étaient quand même pour le coup jamais arrivé. Je pense que on est quand même dans une sorte un peu de microcosme à Saint-Étienne qui fait que on serait pas la ville évidente pour montrer qu'il y a quand même une montée du racisme, du nationalisme, etc. Parce qu'on est une ville justement voilà très cosmopolite, etc. Mais effectivement, en tout cas nous l'évolution qu'on en voit sur le terrain, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de présence et notamment surtout des individualités. Des individus qui se lâchent, qui appartiennent pas forcément à des organisations, mais qui mettent des petits tags. On avait notamment eu à l'époque, sur le quartier de Jacquard, des inscriptions racistes de manière récurrente. On en a aujourd'hui aussi vers Moreno, des croix gammées, des choses comme ça. Donc il y a quand même quelque chose qui s'est passé un peu ces dernières années et qui a permis à des individus, en tout cas, de se lâcher. Une dernière petite question avant d'aller dans le cœur de votre programme que vous proposez. Tu parles beaucoup de Saint-Étienne. En même temps, il faut bien reconnaître que les affiches d'extrême droite pullulent largement un petit peu dans la campagne autour de Saint-Étienne, notamment un peu vers le nord. Est-ce que vous êtes en lien avec des collectifs ou est-ce que vous êtes en lien local justement pour essayer de voir un petit peu comment ça se passe tout autour dans le département ? Il y a forcément des liens plus affinitaires, plus qu'avec des collectifs, mais la problématique, et ça c'est une problématique, on va dire, un peu plus nationale, mais c'est il y a toujours eu un problème pour les groupes antifa de sortir des milieux urbains et d'aller plutôt sur les milieux ruraux. Ça, c'est un vrai enjeu, parce qu'il y a une certaine précarité en plus dans certains milieux ruraux, et la réponse qui est donnée est plus tendance à être du côté de l'extrême droite. C'est un enjeu qui s'est posé dans pas mal de coordinations antifascistes. C'est vraiment quelque chose, un sujet un peu latent et c'est un manquement pour le coup de pas mal de groupes, dont le nôtre hein, d'ailleurs évidemment. Mais effectivement, ça c'est une piste pour le coup à travailler parce qu'on sait très bien que l'extrême droite localement, elle est quand même effectivement pas dans le centre-ville de Saint-Étienne, elle est quand même plutôt aux alentours. Il y avait notamment justement l'ex-responsable du Front National qui est passé à Reconquête, Sophie Robert, qui était élu municipal à faire, c'est pareil du côté de Pélussin. Enfin voilà, il y a eu quand même tout un maillage un peu large, pas Pélussin pardon, je sais plus quelle ville. Il y a quand même tout un maillage de l'extrême droite, plutôt pour le coup sur les environs de Saint-Étienne, ouais effectivement. Alors, vendredi 27, samedi 28, dimanche 29, un gros anniversaire bien chargé qui commence donc, comme tu le disais tout à l'heure, par un cycle de conférences et de débats sur le fascisme et les luttes antifascistes avec on est plus ni moins 4 invités en plateau. Olivier Lecourt, Grand Maison, qu'on avait déjà reçu sur Dio, Antoine Dubiot, Jennifer Yézid et le collectif Parole Collective. Là, ma petite question, c'est quand on a autant d'invités, comment est-ce qu'on fait pour ne pas effrayer les gens un samedi soir et pour rendre alléchant le fait de venir à ces conférences? Et ben malheureusement, je pense qu'on n'a pas le choix d'avoir un peu de discipline. Non, mais c'est qu'on essaye de... On va essayer de faire en sorte de limiter un peu les interventions. C'est un peu ce qu'on a vu justement avec les intervenants et les intervenantes, d'essayer de structurer quelque chose sur 30 minutes pour permettre de passer de sujet en sujet et pas que ça soit trop pompeux et trop barbant. Et pour que dans l'idée, ça dure entre 2h30 et 3h maximum. L'idée, c'est que chaque intervenant parle pendant une demi-heure sur le sujet sur lequel il est invité et qu'on passe à une série de questions plutôt à la fin. Donc voilà, et de revenir à peu près sur ce qui a été dit. Mais voilà, l'idée, c'était de rendre un peu le vraiment d'aller en profondeur un peu sur la question du fascisme et justement, on va dire, de toutes ces transversalités. Et d'essayer de faire en sorte que ça soit le plus complet possible, quoi. Donc on espère que ça va pas effrayer les gens, mais en tout cas nous on a pour idée que ça dure pas non plus 1000 ans et que voilà ça soit assez synthétique. Ce sera à l'Amicale Laïque de Tardy, comme le lendemain d'ailleurs, samedi 28, où ça commence dès le matin avec une manifestation à la Bourse, 14h30 un tournoi de pétanque et 18h des concerts. L'objectif de cette manifestation, notamment pour vous, c'est quoi ? C'est de montrer que Saint-Étienne justement est antifasciste, c'est de montrer qu'en fait la rue elle appartient pas aux racistes, elle appartient pas à l'extrême droite et qu'elle appartient pour le coup aux militants progressistes. Et de montrer en plus qu'on est en lien justement avec l'histoire de Saint-Étienne, qui est quand même assez particulière. Voilà, ça c'est important. C'est le moment symbolique, on va dire, de cette journée-là. Et ça s'ensuit justement après, effectivement, à 14h30 par le tournoi de pétanque, mais pas que, parce que on a aussi, on va faire sur toute l'après-midi des sortes de tables de presse de pas mal d'associations, d'organisations politiques et syndicales. Qui sont, on va dire, membres dans notre réseau et à qui on a envie de laisser la possibilité, enfin de leur donner la parole, quoi, tout simplement. On a aussi pas mal de petites choses. On a notamment les brigades de solidarité qui vont venir faire la nourriture sur tout l'ensemble du week-end et pareil avoir également une table. Et on a aussi notamment une exposition sur les résistants oubliés pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants justement issus de l'immigration. Donc ça, pareil, ça c'est un volet qui est ultra important pour nous à montrer. Et je rajoute juste un tout petit truc sur le vendredi aussi. On a une vente de pain à prix libre pour les inculpés du 8 décembre. Voilà. Tout à fait. Et donc le 28, à partir de 18h, une super belle soirée de concert, hyper variée, avec la clique des Tilleuls qui va ramener Lagova, la caravane sonore, et Isnagen, Tigadrine, qu'on va écouter juste après, et son rock-funk berbère, du rap avec Lilis et le surf-punk des profs de skids, pour finir en boom avec DJ Pom Pom Pom. Grosse ambiance donc le samedi soir, qui va sans doute laisser des traces, et c'est pour ça que le dimanche, ça ne reprend qu'à 18h30. Exactement, pour deux petites projections d'un film justement sur les brigades de solidarité qui s'appelle Ici Maintenant, dont on a fait partie, et puis d'un autre film qui s'appelle Vie antifasciste à 20h, qui est un documentaire sur les antifascistes suédois et grecs et qui explique la radicalité de leur politique. Et cette fois, c'est au Méliès Saint-François que ça se passera. Merci à toi d'avoir pris quelques minutes pour nous parler de tout ça, et puis bon anniversaire. Eh ben, merci à toi. À bientôt. On écoute tout de suite donc ce groupe de Grenoble formé en 2020. Il s'agit de Tigadrine qui sera en concert le 28 octobre à Saint-Étienne. Shut up. ورويتي من دمي لطيت يا صحراء يا خيتي ما ننساك تنيت اشربتي ورويتي من دمي صحراء يا خايتي ما ننساك تليت سنين امطات ما زالت طويلة وانا يا صحراء ما فات أنسيتك يوم ولا ليلة أشربتي وروايتي من دمي لطيت يا صحراء يا خايتي ما ننساك تليت Fort, j'entends rien, a le plaisir et l'immense honneur de recevoir le collectif Alarmphone et de représenter ici par deux personnes de l'antenne locale. Bonjour à vous. Bonjour. Salut. Alors, Alarmphone, ça fait un petit moment qu'on essaye de faire cette émission. C'est pas toujours facile de réussir à caler avec les programmes chargés des vies de chacun et chacune. Avant de commencer un par présenter bien entendu le collectif, car j'ai décidé de n'être absolument pas original. Je voulais juste faire un petit point vocabulaire de mots qu'on va sans doute employer et qui ne sont pas forcément si habituels aux yeux de tout le monde. Il y a de fortes chances que nous parlions de Frontex. Frontex est une agence européenne, l'agence européenne des gardes frontières et des gardes côtes, qui a été créée en 2004 et qui est chargée de... tout simplement, comment dire ça, on dirait de la sécurité des frontières de la citadelle européenne, n'est-ce pas? En tout cas, de faire bien garde autour de toutes les frontières externes de l'UE. Il y a de chances aussi que nous parlions du règlement Dublin, qui est là directement lié à la circulation libre, car nous avons de la chance dans l'espace Schengen, mais qui du coup a une corollaire, c'est que la circulation n'est pas libre partout, et que notamment, il y a un enjeu très fort à partir de ce texte, puisque les demandes d'asile sont déposées dans les pays d'arrivée des personnes migrantes, ce qui va se jouer à beaucoup d'objectifs et beaucoup d'enjeux dans les stratégies de migration des individus. Alarmphone, bonjour donc. Oui, bonjour. Comment est-ce que vous présenteriez votre collectif et sa mission, déjà? Alors, Alarm Fund, c'est un réseau transnational de lutte contre les frontières et pour la libre circulation qui existe depuis octobre 2014. Là, on vient de fêter les 9 ans, du coup. Tout à fait. Bon anniversaire aussi. Ouais, merci. Et du coup, qui regroupe à peu près 300 activistes dans plein de pays différents. Dans des pays en Europe, France, Espagne, Allemagne, Suisse, Italie, Hollande, Grèce. Mais aussi dans plein de pays du Sud, au Maroc, en Tunisie, au Sahara occidental, en Turquie. Ça descend même jusqu'au Sénégal, ouais. Le Mali. Ouais. Et du coup, c'est un réseau autonome, c'est pas une ONG. Qui travaille que avec des bénévoles et du coup qui reçoit pas de subventions, qu'on fonctionne qu'avec des dons privés. On en y reviendra plus tard parce que ce réseau a besoin de beaucoup d'argent. C'est un des enjeux de votre anniversaire. Oui. Et l'un des enjeux de notre présence ici, un peu aussi quand même. Ouais. Et du coup, Alarm Fund a différentes missions, on va dire. Ce qui est l'activité, enfin différentes activités. En tout cas, l'activité la plus visible, c'est du coup une d'urgence téléphonique qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Du coup, c'est des permanences téléphoniques où les bateaux qui sont en détresse en Méditerranée, dans l'océan Atlantique ou dans la Manche peuvent nous appeler. Nous parler de leur situation de détresse. Et du coup, nous, notre mission, c'est de faire pression pour qu'un sauvetage soit mis en place. Du coup, ça, c'est l'activité visible, mais il y a plein d'autres activités, notamment une grosse activité de sensibilisation sur les zones de départ, où, avec la distribution du numéro, mais aussi des fascicules, des vidéos qui sensibilisent sur les risques en mer. Un gros travail de documentation aussi, qui est hyper important parce que, en vrai, les infos, elles sont souvent, elles ont un problème de circulation, elles aussi. Elles ont aussi un problème de circulation. Et notamment, nous, on peut fournir des chiffres. Sur les traversées et sur les nouvelles routes de migration, par exemple. Il y a aussi un gros travail de commémoration. Parce qu'en fait, c'est un travail de rendre visibles les personnes qui disparaissent et qui meurent en mer. Et du coup, il y a des actions assez régulières de commémoration dans plein de pays différents pour que ces morts et ces disparus soient visibles. Et aussi, le dernier truc, c'est un peu du soutien et de mener des campagnes contre la criminalisation, et notamment contre la criminalisation des capitaines des bateaux. Voilà un peu en gros les activités d'Alarm Fund. Alors je voulais donner un peu un premier chiffre pour aussi permettre aux auditeuristes de se faire un petit peu une idée, parce que c'est vrai qu'on entend parler de ça quand il y a un gros arrivage à Lampedusa, une crise diplomatique, ou alors quand il y a vraiment le gros naufrage avec le chiffre un petit peu effrayant qui mérite de passer dans les médias. Mais du coup, depuis cette année 2023 qui n'est pas encore finie, Alarm Fund, sur le site en tout cas, vous avez... Alors, en plus, c'était la semaine dernière, j'imagine que ça a déjà changé. Porter assistance à 1671 bateaux. Donc, c'est absolument pas juste quelque chose qui arrive de temps en temps. C'est bien quelque chose de totalement quotidien. Comment est-ce que vous faites pour coordonner cette hotline en permanence entre différents pays? Et puis, comment vous faites aussi au niveau des langues pour communiquer et entre vous et avec les personnes qui appellent? En fait, on se coordonne grâce à des outils dont on va pas parler là, mais en tout cas, on est tous plutôt, plutôt bien organisés. On utilise beaucoup l'anglais comme langue et le français. Au départ, c'est quand même deux langues coloniales qui font qu'il y a plus de gens qui parlent ces deux langues dans les pays du Sud. Et puis après, on a des personnes, enfin, il y a des personnes qui parlent arabe dans le réseau, il y a des personnes qui parlent grec, il y a des personnes qui parlent turc. Enfin, bon, bref, il y a un peu toutes les langues qui sont représentées malgré tout, mais ce qui s'impose quand même, ça reste le français et l'anglais, aussi pour parler avec les gardes-côtes et pour communiquer entre nous. Puisque malheureusement, ce sont les deux langues les plus parlées dans le réseau. Quoi. Et voilà. Et au niveau de ce numéro de téléphone, donc, comment est-ce qu'il est diffusé, notamment dans les pays de départ? Comment est-ce que vous avez réussi à faire exister le fait que les gens le connaissent, le prennent avec eux pour vous appeler? Eh ben, avec des outils plutôt simples, les camarades d'Alarm Fun qui sont dans les pays de départ, en fait, ont des petites cartes en différentes langues qui sont distribuées, du coup, de manière assez large. Et puis aussi, de par les communautés différentes qu'il y a au Maroc, enfin, et puis dans toutes les zones de départ, en fait, qui, du coup, se passent le numéro. Le numéro il circule assez facilement en fait. Ouais, déjà dans le sud, et puis il y a aussi les réseaux sociaux parce que Alarm Fun sur Twitter, Facebook et Instagram maintenant. Instagram. Ouais. Du coup, ça fait que ça permet aussi la circulation du numéro assez assez largement. Après, le numéro circule pas suffisamment apparemment. Le numéro ne circule pas suffisamment. La semaine dernière, on a rencontré des gens qui avaient fait le passage, qui avaient essayé quatre fois de passer de Libye, de Tunisie, d'Algérie pour aller en Italie. Et aucun des deux ne connaissait le numéro d'Alarm Fun. Ils avaient vécu un naufrage au départ de Sfax, alors que ça reste une des villes où le numéro circule quand même beaucoup. Donc, il circule toujours pas assez, le numéro. J'imagine que vous vous confrontez aussi à une thématique importante qu'on a vu peut-être plus popularisée pour, par exemple, j'imagine dans des films notamment, les personnes qui étaient accusées, entre guillemets, d'élite de solidarité à Calais, d'accueillir effectivement des migrants. On se retrouve rapidement, dès qu'on aide les personnes qui essayent de traverser, accusées d'être passeurs. Comment est-ce que, justement, vous avez réfléchi, comment est-ce que vous parlez de votre mission pour éviter ce rôle de passeur qui est très vite placardé sur toutes les personnes qui essayent d'apporter leur soutien? Bon, en fait, c'est pas pour l'instant, de toute façon, notre activité elle est pas illégale en Europe. Par contre, effectivement, les camarades du Sud sont beaucoup plus en danger que nous. Eux, ils sont. La répression, elle est plutôt féroce, que ce soit on peut l'imaginer en Tunisie, en Algérie, encore en Libye, Maroc. Donc, ce sont ces militants-là qui prennent des risques. Nous, pour l'instant, on est plutôt confortablement assis dans nos salons. Et puis, la position politique d'Alarm Fun, elle est de dire que les passeurs existent puisque les frontières existent, et que les personnes ne peuvent pas circuler librement. Et la criminalisation des passeurs, en fait, c'est surtout en fait arrêter les personnes qui vont avoir un téléphone sur le bateau, conduire le bateau, et du coup aussi nous, c'est des personnes c'est des personnes qui traversent et qu'on soutient, et qu'on est là pour faire en sorte que ces personnes ne disparaissent pas et ne meurent pas en mer. Du coup, on se positionne dans un truc les passeurs existent puisque les frontières existent. Alors concrètement, donc il y a des personnes qui se mettent en général un petit peu en surnombre sur des bateaux avec un téléphone et votre numéro. Qu'est-ce qui se joue à partir du moment où ils prennent la mer? À quel moment ils appellent? Est-ce que c'est uniquement en cas de naufrage? Est-ce que c'est aussi pour se faire diriger? Comment est-ce que du coup vous aiguillez et vous accompagnez ces coups de téléphone? Alors Ça dépend. Il y a plein de cas de figure différents. Il y a des personnes qui vont appeler parce qu'elles sont vraiment dans une situation de détresse, le moteur qui marche plus, le bateau qui prend l'eau, et ce genre de choses. Il y a des personnes qui nous appellent aussi avant d'être en détresse, mais pour être plutôt accompagnées dans leur traversée. Et aussi, on a beaucoup d'appels de proches qui nous appellent en disant bah, « il y a tel bateau qui est parti à tel moment, on n'a pas de nouvelles » ou alors des fois on a des nouvelles mais on a besoin de soutien aussi dans la traversée. Du coup, les cas de figure sont un peu différents. En tout cas, nous, notre rôle, enfin, ce qu'on fait, c'est... peut-être ça demande à expliquer un petit truc avant, c'est que les mers, elles sont divisées en zones SAR, du coup des zones Search and Rescue, qui... Rechercher et sauver. Oui, rechercher et sauver, et du coup, chaque État est responsable et a obligation de mettre en place des moyens de sauvetage dans la zone. Et du coup, nous, la première chose qu'on doit faire, c'est essayer de localiser le bateau pour savoir dans quelle zone il se situe, pour aussi mettre la pression sur les gardes-côtes compétents dans cette zone. Et après aussi, évidemment, avoir le maximum d'informations sur le bateau, sur le nombre de personnes, sur... Sa géolocalisation, ouais. Une position précise à transmettre, du coup. Ouais, si je... juste pour compléter ce que tu viens de dire, avec l'externalisation des frontières, ces zones SAR, elles bougent beaucoup ces dernières années, c'est-à-dire que les pays européens donnent de plus en plus d'espace maritime aux pays tels que la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Les pays de départ, du coup. Les pays de départ. En leur laissant plus d'espace, ça veut dire que c'est eux qui interviennent les premiers quand, parce que ça devient de plus en plus difficile pour les personnes de rejoindre les eaux maritimes européennes. Donc tout ça fait que... Ouais, c'était juste pour rajouter, ouais. Que ces zones SAR, en tout cas, elles bougent et elles augmentent. Ouais. Pour les pays du Sud. Quoi. Et peut-être pour préciser justement cette notion d'externalisation du contrôle aux frontières, c'est une logique qui s'est mise en place progressivement et qui se renforce de plus en plus, en fait, d'empêcher le départ, tout simplement, et qui se joue aussi par le financement des pays de départ, notamment, tu parlais en off de l'armement de bateaux, etc., enfin l'armement, pas des missiles sur les bateaux, mais genre de fournir des bateaux, de l'argent, pour qu'il y ait du personnel et mettre en place des centres de rétention assez horribles, notamment dans les pays, au niveau du Sahara, etc. Et de faire en sorte que le départ même puisse être assez pourri pour dégoûter, grosso modo, essayer de faire peur encore plus. Mmh. Bah, ouais, on peut prendre l'exemple, par exemple, de la Libye. La Libye, elle a signé la convention SAR en 2018, ce qui a changé quand même radicalement la situation et les perspectives de sauvetage. Du coup, la Libye, aujourd'hui, elle a une zone SAR qui va jusqu'à 200 km au nord de Tripoli. Avant, cette zone SAR, elle était partagée entre Malte et l'Italie. Et du coup, la Libye a signé cette convention et l'Union européenne a donné 87 millions d'euros entre 2017 et 2021 pour la création de cette zone SAR. Ça veut dire aussi, notamment la France a donné des anciens bateaux de douane et qui, du coup, la Libye, elle est responsable du sauvetage dans cette zone. Sauf qu'en fait, nous, on considère que la Libye, c'est pas un pays sûr. Et que les personnes qui fuient la Libye et quand elles sont du coup sauvées dans la zone SAR libyenne, évidemment elles sont ramenées en Libye, quoi. Et du coup se retrouvent à vivre des situations de violence extrême et d'emprisonnement et voilà. Et tout ça, c'est effectivement financé par l'Union européenne. On va... Vas-y, je t'en prie. Bah, je voulais juste compléter encore une fois sur... tu parles de la Libye, mais on peut parler aussi de la Tunisie. Avec le président Tunisien qui a fait une déclaration ultra-raciste au mois d'août. Et cette déclaration suivait aussi des accords qui avaient été faits entre l'Italie et la Tunisie. Donc l'accord, il comprend le don de 100 millions d'euros aux Tunisiens pour garder les frontières. Et suite à cet accord-là, on a, nous, en tant qu'Alarmphone, en tout cas, on a repéré, on a assisté, on est témoin d'un redoublement de violence vis-à-vis des gens. Les gens, ils prenaient des bateaux, ils se font arrêter par les gardes-côtes tunisiens qui leur volent leurs moteurs et les laissent dériver en pleine mer. Il y a aussi des rafles monstrueuses à Sfax notamment, mais partout en Tunisie, où toutes les personnes subsahariennes qui sont déportées dans le désert sans eau, sans bouffe et abandonnées là. Les personnes non tunisiennes et particulièrement les personnes noires en Tunisie sont victimes d'un racisme de dingue. Ils se font virer de leur job, virer de leurs apparts et encore une fois déportés dans le désert. En fait, tous ces accords avec l'Union européenne font qu'il y a des conséquences terribles sur les personnes qui sont au sud et qui veulent bouger pour rejoindre le nord. Ce qu'ils devraient pouvoir faire sans avoir à prendre de risques, parce que la liberté de mouvement devrait être appliquée. Et ça aussi, ouais. On va voir un petit peu les différentes routes d'exil qui justement sont en cours et que vous rencontrez entre guillemets un petit peu récemment. Je vais proposer quand même d'illustrer en musique l'importance d'ouvrir les frontières, notamment grâce à un disque. C'est un disque qui est issu d'une rencontre entre Nicolas Leroux, un musicien à Paris, qu'on connaît notamment pour ses participations au groupe Prohibition ou NLF3 et Don Nino, qui a rencontré donc du côté de Pantin et Delila, Atigula Amini, qui est un réfugié afghan, mais qui est aussi un chanteur, car on oublie souvent que les personnes qui traversent ont des savoirs et des choses à nous apporter. Ils ont ensemble fait un disque enregistré en 2 jours, en juin dernier. Ça s'appelle L'Antenne Delila, c'est sorti chez Prohibition Records. Je vous propose tout de suite d'écouter Cheval Noir, extrait de cette rencontre. وسان دیوانه شوی مرا دیوانه کلی وسان دیوانه شوی مرا دیوانه کلی هزار بار نصیحت کردم سالم سچال وانه کلی وسان دیوانه شوی مرا دیوانه کلی وسان دیوانه شوی گفتم بلا پخت کن گفتی خلاشت نمک گفتم خرچکم بکن چشمک کشیدی ابلن خورخان دای تجل کردی ماندی دیگی سمنک خیرات با نکدی میلی زنانه کدی او زن دیوانه شوی مرا دیوانه کدی او زن دیوانه شوی مرا دیوانه کدی هزار بار نزید کلمه سرم ست چالو بانه کدی تربیهی اولاد تا خود سد و نازدانه کدی او زن دیوانه شوی مرا دیوانه کدی او زن دیوانه شوی مرا دیوانه کدی تو کهی دادم جزایت وقت گفتی با غایت ست با نرجور کدی با قوم و بیادرایت یک مزاقتت کدام گریه دروغانه کدی او زن دیوانه شوی مرا دیوانه کدی او زن دیوانه شوی مرا دیوانه کدی 9, 5, Radio Dio. On va continuer à parler du réseau Alarmphone et de ses activités, notamment pour nous éclairer un petit peu sur les chemins d'exil, les routes qui sont choisies par les personnes dans leur migration pour essayer d'atteindre l'Union européenne. Ces routes, forcément, se modifient au fur et à mesure des blocages de frontières et des modifications de comportement, justement, du contrôle externalisé de celles-ci. En ce moment, j'ai l'impression qu'on en dénombre quatre principalement. Une route vers la Grèce, une autre en départ de Libye-Tunisie vers l'Italie, il y a un chemin vers l'Atlantique, et puis après la Manche, du coup, de la France à l'Angleterre. Est-ce que vous pouvez commencer par nous parler celle qui a l'air d'être un petit peu la plus utilisée en ce moment, le départ de Libye-Tunisie pour atteindre l'Italie? Du coup, c'est la zone qu'on appelle centrale méditerranéenne, centrale Med. C'est une zone où il y a beaucoup de départs en ce moment, dû à ce qu'on a expliqué sur la Libye et la Tunisie. Mais pour donner un exemple, tu parlais tout à l'heure de 1671 cas de détresse depuis janvier 2023. Sur ces 1671 cas de détresse, du coup, on a eu 995 appels pour cette zone de Central Med depuis janvier 2023. Du coup, c'est une zone où il y a beaucoup d'enjeux géopolitiques compliqués. Pour faire simple, qu'est-ce qu'on peut dire? Du coup, c'est beaucoup de départs de Libye et de Tunisie, un petit peu du Liban depuis très récemment. On pourrait... Genre le profil des personnes qui partent, par exemple, de Libye-Tunisie. Dans tous les cas, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne, donc Mali, Sénégal. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en Tunisie ou en Libye. C'est les parcours, au lieu d'aller traverser le détroit de Gibraltar comme ça se faisait avant, ou comme ça se faisait plus, parce que voyage plus court, les voyages se rallongent avec le contrôle aux frontières, la répression, donc les gens ils s'éloignent un peu. Parce que finalement le côté Maroc-Espagne qui a longtemps été utilisé, notamment monter dans les bateaux, les camions, etc., c'est quelque chose qui est plus du tout possible maintenant. Si, ça existe encore. Mais du coup, vu que c'est de plus en plus difficile, les gens sont obligés de s'éloigner un peu. La répression, elle est féroce aussi dans le nord du Maroc, là où les gens attendent pour pouvoir traverser, ils se font aussi rafler, ramener aussi dans le désert. Enfin, la situation de toutes les personnes qui sont en migration, elle est déjà terrifiante dans le sud. Du coup, ils sont obligés de bouger tout le temps. C'est de plus en plus difficile de rester à un endroit pour récolter cet argent, parce que ça coûte hyper cher de traverser. Donc, il faut bien travailler pour pouvoir récolter l'argent qui va permettre la traversée. Puis c'est vrai qu'ici, on parle beaucoup de la fin de la traversée, mais en fait, il faut déjà traverser toute l'Afrique, arriver jusque dans ces pays où souvent l'accueil est aussi plus qu'inhospitalier. Et où du coup, effectivement, là, nous, on parle finalement du moment où on s'approche de notre citadelle, mais en fait, avant, il s'est déjà passé beaucoup de choses. Ouais. Est-ce qu'on peut dire aussi, du coup, que c'est des personnes qui cherchent à aller en Italie ou à Lampedusa, que du coup, ces personnes passent pas d'abord par la zone maltaise, où en vrai les gardes-côtes maltais ils ne font rien au cours des premiers mois de 2023. Malte a secouru 141 personnes. Donc, quand on imagine le nombre de personnes qui traversent, voire même quand on les appelle les gardes-côtes maltais et qu'il y a des bateaux marchands dans leurs eaux, ils interdisent aux bateaux marchands de s'arrêter. En tout cas, ils interdisent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher les bateaux d'aller sauver les gens sur la mer tant que les bateaux sont dans la zone SAR maltaise, par exemple. Et les gardes-côtes ont le droit de prendre cette prérogative sur le capitaine du bateau? Bien sûr que non. Ou alors, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils ordonnent aux bateaux de ramener les gens en Libye. Qui n'est pas considéré comme un pays sûr. Ok. Du coup, non, évidemment qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, mais... De toute façon, tout ce qui se passe, c'est que des, là, sur la mer, si on regarde la loi maritime, en fait, il se passe que des choses qui ont... que des choses illégales, donc... normalement, tout le monde doit sauver un bateau ou des gens en détresse sur la mer. Ce qui se passe, les gens, enfin les gardes-côtes de différents pays se rejettent la faute. C'est pas pour rien qu'il y a autant de gens qui meurent dans la mer, en tout cas. Le chemin vers la Grèce, peut-être, qui est aussi. Peut dire que nous, c'est une zone où on travaille beaucoup avec du coup les bateaux ONG de sauvetage, mais que aussi ce qui se passe en ce moment du coup avec l'Italie, c'est que l'Italie impose, à partir du moment où un bateau de sauvetage a sauvé un bateau, un seul bateau, avant ils pouvaient sauver plusieurs bateaux tant qu'ils avaient la capacité d'accueillir les personnes sur leur bateau. Et mais maintenant, en fait, à partir du premier sauvetage, on leur impose d'aller ramener les gens dans un port complètement au nord de l'Italie, ce qui demande à peu près 3 jours. Là, le dernier port, c'est Gênes. Vous pouvez pas trouver plus loin que Gênes. Ouais. Du coup, ce qui fait que c'est 3 jours de traversée pour aller ramener les personnes dans ces ports, et du coup, ça fait du temps où ces bateaux ne sont plus opérationnels pour sauver des personnes dans la Méditerranée, quoi. Et bah, puisque tu te lances là-dessus, alors on va partir un petit peu sur ce sujet-là, puisque du coup, vous avez parlé des gardes-côtes, là vous parlez des bateaux ONG, à quel moment en fait, vous avez parlé des cargos de commerce aussi, à quel moment justement vous adressez aussi directement à ces bateaux pour signaler une détresse, un sauvetage potentiel, et comment est-ce qu'il y a une vue sur où sont les bateaux, qui est pertinent d'appeler Nous, ce qu'on fait, c'est on prévient les autorités et on met la pression sur les autorités. Ouais. Et après, les autorités donnent l'accord au bateau ONG d'intervenir. D'accord. Okay. Voilà. Donc, il y a toujours une espèce d'intermédiaire comme ça. Ok, ouais. Très bien. Mm-hmm. Et tu parlais aussi de l'Italie. C'est quelque chose qui a fait la une de l'actualité, plus au niveau un peu diplomatique intra-européen. Alors, on n'est pas sans savoir que l'extrême droite est rentrée dans le gouvernement italien. Mais déjà, avant ça, il y avait toujours une espèce de... On se refilait un peu la patate chaude. L'Italie qui râlait un petit peu sur le fait de devoir accueillir beaucoup de personnes à la fin de ces migrations. Les autres pays européens qui pointent du doigt en disant « il faut arrêter, c'est pas bien », etc., mais qui finalement font pas du tout leur part du job non plus. Comment est-ce que les enjeux internes avec ce rôle de l'Italie qui est très central en ce moment dans l'immigration jouent sur... Alors, t'as parlé des difficultés justement effectivement pour les bateaux ONG de pouvoir aller jusqu'au nord, mais est-ce que depuis l'arrivée de l'extrême droite, ça a changé un peu quelque chose, ou alors finalement c'était déjà à peu près pareil avant? Ça se tend forcément, mais ça fait longtemps que la situation elle est assez dramatique. Après, on voit... C'est des décisions qui ont beaucoup de conséquences. Ces décisions, en tout cas, le fait d'envoyer des bateaux ONG après le premier sauvetage à l'autre bout de la des endroits où il y a besoin qu'ils soient... C'est évidemment délibéré, mais c'est surtout, ça compte vraiment, c'est parce que ça fait qu'il y a des centaines de personnes qui ne sont pas sauvées à ce moment-là. Il y a beaucoup de bateaux ONG aussi qui sont maintenus à terre pendant des semaines et des semaines, c'est une espèce de punition comme ça, où après un sauvetage, il y a un bateau, nombreux sont les bateaux qui sont obligés de rester à terre, à port ou à terre, pendant des semaines, ce qui fait que ça... Tous les moyens les moyens pour faire des sauvetages sont vachement réduits, quoi. Mmh. Alors que c'est une zone aussi où Frontex est hyper présent, fait de la surveillance par avion, par drone, du coup l'Union européenne met beaucoup d'argent de par Frontex pour surveiller cette zone et rien du tout dans le sauvetage, quoi. Moi, je me questionne parce que c'est vrai que je trouve que dans l'ensemble, depuis quelques années, la France a une position très moraliste sur les politiques d'accueil italiennes, alors même que en fait, elle ne bosse pas du tout à essayer d'améliorer quoi que ce soit. Et du coup, il y a moins d'enjeux dans la zone SAR française, par exemple, pour justement réceptionner des navires en détresse ou des choses comme ça. Ils n'arrivent pas jusque-là. À la Méditerranée, non, parce que c'est, ça fait vraiment des voyages qui sont extrêmement longs. Beaucoup long. Trop longs. Ouais. J'ai pas en tête, mais un voyage, par exemple, toi t'as pas en tête non plus, j'imagine, combien peut prendre un voyage en partant de Sfax pour arriver en Tunisie, c'est 3-4 jours. Pour arriver en Italie. Ouais. Oui, c'est 3-4 jours, et pour venir en France, c'est quand même beaucoup plus long. Après, en France, par contre, on retrouve la Manche, quoi. Ouais. C'est surtout dans la Manche qu'on voit les autorités françaises. Et c'est pas très joli non plus. C'est vrai. Ouais. Mais du coup, bah, peut-être on peut parler vite fait de ce qui se passe en Manche. En Manche, depuis le naufrage qui avait été hyper médiatisé, là, c'était en 2021-2022, je sais plus. La stratégie, elle est différente. Elle est de plutôt... nous, quand on appelle les gardes-côtes, plutôt, ils vont sauver les gens. Et des fois, on observe qu'ils les accompagnent même jusqu'à l'Angleterre pour, je pense, éviter tout bruit médiatique. Par contre, la répression, elle se fait sur les plages de départ. Autour de Calais et tout, Dunkerque, toute cette zone où c'est extrêmement violent pour les personnes qui essayent de partir. Pareil, destruction des bateaux, arrestations, centre de rétention. Destruction quasi quotidienne des camps, ouais. des endroits où les gens ils s'installent et... les associations sur place qui peuvent apporter à bouffer ou à boire sont hyper criminalisées. Criminalisées, ouais. Bref, en tout cas, c'est. Il y a la zone de la mer Égée aussi. Ouais. En fait, on va finir déprimé. Ouais. Ouais, du coup, la zone de la mer Égée, c'est les personnes qui essayent de passer de la Turquie à la Grèce. Du coup, c'est aussi une zone où il y a extrêmement beaucoup de violence et beaucoup de pushback. Du coup, les gens sont ramenés en Turquie. Pushbacks, c'est quand les gardes-côtes repoussent les bateaux dans les eaux des pays eaux d'où ils viennent. Ouais. Ouais, du coup, là, j'imagine des personnes qui viennent plus de l'Asie et Moyen-Orient, etc. Oui. Oui, on retrouve beaucoup de Palestiniens, vu que c'est d'actualité. Syrie, les personnes qui viennent de Syrie. Là, par exemple, le retour du début du conflit israélo-palestinien est assez frais. Il y a déjà eu une recrudescence, par exemple, de personnes palestiniennes dans cette zone-là, où c'était déjà... C'était déjà le cas, mais là, on imagine que dans les prochaines semaines, oui, évidemment, il y a des personnes qui fuient la Palestine, du coup, qui vont essayer d'emprunter cette route, ou d'autres, mais en tout cas, de fuir le... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gardes-côtes grecs sont extrêmement violents, que, pareil, repousse les bateaux donc en détresse, souvent en leur enlevant leur moteur, souvent en attaquant, en frappant les gens qui sont sur les bateaux. Il y a eu même des tirs à balles réelles. Enfin, la violence, elle est extrême, quoi. Avec, à nouveau, dans l'externalisation, ça c'est aussi important de le dire, une Turquie qui est un pays assez organisé et qui fait un premier sas où il y a déjà des camps de réfugiés à la frontière turque, notamment avec la Syrie, où il y a énormément de personnes qui n'arrivent déjà pas à rentrer en Turquie aussi. Ouais. Et c'est aussi une zone où on a des appels de bateaux, mais aussi de personnes qui sont à terre sur des îles. et du coup qui sont souvent dans des situations complètement atroces, qui restent des fois pendant une semaine, 10 jours, voire plus. Ouais, l'été dernier, on avait des groupes de 100 personnes coincées pendant 3 semaines. 3 semaines dans la forêt, sans eau, sans bouffe, sans rien du tout. Et que, avec les keufs qui passaient de temps en temps, leur donner des petits coups de pression, voire les attaquer carrément. Quoi. Non, c'est clair que... Ouais, c'est des situations hyper compliquées aussi. Mais si on fait un petit, on peut faire un petit résumé des eaux, des routes de migration. Si on regarde un peu, on peut partir de, parce qu'on n'avait pas parlé par exemple de l'Atlantique et donc. Ouais, c'était ma dernière question. Ah, vas-y, pardon. Je t'en prie. Et bon bah voilà. Donc il y a beaucoup de personnes de plus en plus qui partent de plus en plus loin, vu que encore une fois la répression est telle que les gens prennent de plus en plus de risques et partent de plus en plus loin. Et donc, il y a beaucoup de gens qui partent du Sahara occidental, par exemple, pour rejoindre les Canaries. Mmh. Mais voire même, il y a maintenant des gens qui partent du Sénégal pour aller rejoindre les Canaries. Et la Méditerranée est dangereuse, mais alors l'Atlantique, n'en parlons pas, quoi. En plus, il y a des gens qui ratent carrément les Canaries parce qu'ils sont déportés, ils se retrouvent en grande mer, là. Ouais, c'est une traversée qui est hyper dangereuse et qui est très très longue. Et du coup, bah, c'est sans parler de partir du Sénégal, mais c'est déjà souvent des traversées qui durent une semaine. C'est l'océan, quoi. Du coup, beaucoup des risques de tempête, des risques de navigation beaucoup plus dure. Navigation beaucoup plus dure, beaucoup de houle aussi, beaucoup, enfin, qui a moins en Méditerranée, quoi. Du coup, des traversées hyper dangereuses. Et beaucoup de disparitions. Ouais. Et de naufrages. Ben, on l'entendra dans l'épisode de Chronique à mer qui sera diffusé à la fin, mais c'est aussi beaucoup de naufrages invisibles. On ne sait pas. On sait pas. On n'a pas connaissance des départs, on n'a pas connaissance des chemins et des routes. Je vous propose de faire une petite pause avec vos voix en écoutant un message d'appel à dons. On va parler de ça juste après, qui a été initié par Alamphone. Je vous rappelle, vous êtes dans Plus Fort Jute Rien sur le 895 de Dio. Visite, info, idées, c'est Radio Dio. Idées, c'est Radio Dio. Radio Dio. L'Europe a mis en place un régime meurtri à ses frontières. C'est pourquoi de nombreuses personnes doivent emprunter des routes maritimes dangereuses afin d'exercer leur liberté de circulation. Leurs voyages sont très longs et les voyageurs et voyageuses se retrouvent souvent en détresse en mer. Il arrive fréquemment que les autorités ne réagissent pas, ne prêtent pas assistance, voire procèdent à des interceptions ou à des refoulements lorsque des voyageurs et voyageuses appellent à l'aide. C'est pourquoi des voyageurs et voyageuses appellent à l'Alamphone, une ligne téléphonique militante fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Nous soutenons les personnes qui se déplacent en mer ou sur terre en faisant pression sur les autorités pour qu'elles secourent les personnes en détresse et les amènent à bon port en Europe. L'Alamphone est un réseau transnational qui opère à partir de plusieurs villes d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest et d'Europe. Nous organisons également des luttes sur le terrain, dont des actions de commémoration des disparus et des morts, des manifestations contre Frontex et des mobilisations contre la criminalisation des personnes en mouvement. Depuis 2014, nous avons soutenu plus de 7000 bateaux et groupes de personnes dans la mer Égée, dans la mer Ionienne, sur la route de Balkan, en Méditerranée centrale, en Méditerranée occidentale, dans l'Atlantique et dans la Manche. Rien qu'en 2022, l'Alamphone a aidé plus de 1300 bateaux en détresse et nous recevons encore davantage d'appels cette année. Lorsqu'un bateau nous contacte, nous rappelons les personnes à bord à plusieurs reprises, voire créditons les forfaits de leur téléphone satellite afin qu'elles puissent continuer à appeler les secours. Nous restons en contact avec ces bateaux pendant de nombreuses heures, parfois des jours et des nuits, pour localiser, suivre leurs mouvements, recevoir des mises à jour, partager des informations et les soutenir émotionnellement. les appels veillent depuis les téléphones satellites coûtent très cher, jusqu'à 8 euros la minute. C'est pourquoi nos frais de téléphone ont explosé l'année dernière. Nous avons payé entre 3 000 et 13 000 euros par mois pour les communications satellites. Nous sommes un réseau militant sans aucun poste rémunéré ni financièrement institutionnel. Afin de garantir notre indépendance politique, nous sommes donc entièrement dépendants des dons pour financer notre ligne téléphonique. Afin de couvrir notre énorme facture téléphonique, nous avons besoin de vos dons. Aidez-nous à faire fonctionner notre ligne pour soutenir des personnes en détresse à mer. Les dons sont possibles par virement bancaire ou par PayPal. Nous demandons des ferries par Frontex, liberté de circulation pour toutes et tous. 895 Duo, donc cette campagne de dons lancée la semaine passée pour votre anniversaire. Est-ce que vous pouvez effectivement détailler un petit peu les besoins financiers récents et un peu nouveaux auxquels vous êtes obligés de faire face ? Ben, comme le camarade explique dans le son qu'on vient d'entendre, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui ont des téléphones satellites, ce qu'on appelle des téléphones Touraya, pendant leur traversée, et c'est tant mieux parce que c'est ce qui permet de pouvoir rester en contact à tout moment. Mais du coup, nous, on recharge leur téléphone pour qu'ils puissent nous appeler, et on les appelle aussi sur ces téléphones satellites, et ça coûte cher, parce que c'est 8 euros la minute, et que plus de téléphones Touraya, mais aussi plus d'appels de bateaux en détresse, ça veut dire beaucoup plus de frais téléphoniques. Il y a eu des mois en 2022 là, où on était à 13 000 euros de frais téléphoniques par mois, ce qui est énorme pour un réseau qui fonctionne sans subvention qu'avec des dons privés. Du coup, on a vraiment besoin d'argent pour ça. Et aussi, une autre chose, c'est que pour fonctionner, on a aussi besoin de se voir à des moments. Et du coup, on fait des meetings deux fois dans l'année. Et avec aussi tout ce problème aujourd'hui. Avant, c'était un meeting... dans un pays du Nord, un meeting dans un pays du Sud. Aujourd'hui, avec le problème des visas, c'est-à-dire que c'est plus possible pour les gens du Sud de venir ici. Les gens du Sud de venir en Europe, que ce soit en France ou dans les autres pays d'Europe. Et du coup, nos meetings, on les fait tous dans les pays du Sud, ce qui engendre aussi des frais de fonctionnement. Voilà, c'est un peu les deux trucs sur lesquels... ce qui font qu'on a de plus en plus besoin d'argent, plus les campagnes de solidarité pour plein d'autres choses. C'est un réseau qui a besoin d'argent. Et comment est-ce que du coup les auditrices de Dio peuvent s'y prendre pour vous soutenir, car elles en meurent d'envie? On espère. Les auditrices de Saint-Étienne, déjà, elles peuvent venir au festival des 10 ans du collectif Antifa, qu'on remercie beaucoup d'ailleurs de fêter leurs 10 ans en faisant un festival de soutien à l'Armfun. Et aussi, du coup, d'aller sur le site d'Alarmfun ou les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram. Et là, du coup, il y a des liens pour aller donner de l'argent par virement bancaire ou. Et il y a aussi un Hello Asso. C'est Alarmfun-du-6-solidarité. Et voilà, du coup, c'est aussi possible de passer par Hello Asso pour nous donner de l'argent. Et peut-être on peut dire aussi que pendant le festival du collectif Antifa, on aura une table avec des livres, différentes documentations sur Alarmfun. Puis aussi, c'est possible de venir nous voir pour nous poser des questions. Présence sur le week-end du 27, 28, 29. Donc. Et il y aura aussi la vidéo d'appel à don qui sera diffusée au Méliès le dimanche soir. Tout à fait. Et il y a aussi autre chose que je suis très content d'annoncer, c'est le début des diffusions d'une émission de radio sur le 895 à partir d'aujourd'hui même. Nous allons diffuser ces chroniques amères. Alors, un nom pas du tout radiophonique. A, accent grave, M majuscule ER. À l'écrit, ça marche super bien. Là, je me disais, mais comment je vais faire ressortir le sens profond de cette émission? Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu la création de cette émission et son objet? Ouais, alors Chronique Amère, c'est une chronique mensuelle qui est réalisée par des membres d'Alarmphone, en France mais aussi ailleurs. Et du coup, c'est le 22e épisode là, qu'on va diffuser aujourd'hui. Que vous avez peut-être déjà entendu, puisqu'il y a d'autres épisodes qui ont déjà été diffusés dans des émissions de radio-audio. Ouais, c'est qui ont été diffusés notamment dans Comme un ouragan à différents moments. Et du coup, l'idée de Chronique Amère, c'est de faire des podcasts mensuels pour rendre visible ce qui ne l'est pas dans les traversées et les migrations. Du coup, là, l'épisode d'aujourd'hui, par exemple, il parle des naufrages invisibles, notamment en Ouest-Méditerranée. Mais aussi, il y a eu des épisodes sur les femmes, les personnes LGBT qui traversent, sur différents naufrages dont on a entendu moins parler. Voilà. Du coup, c'est vraiment depuis le travail d'Alarmphone de parler des conditions des personnes qui traversent la Méditerranée, la Manche. Il va y avoir aussi un épisode bientôt sur les personnes qui traversent la Manche. Et enfin, voilà, c'est un peu ça l'idée. Et du coup, c'est des chroniques mensuelles qui sortent les deuxièmes semaines du mois et qui sont diffusées sur différentes radios camarades aussi, sur Jet FM, Canal Sud à Toulouse, Jet FM à Nantes, Radio Galère à Marseille et puis maintenant Radio Duo à Saint-Étienne. Tout à fait, ce sera donc le troisième mercredi de chaque mois sur le 895 dans Plus Fort J'entends Rien. Merci à vous d'être venu pour mettre des chiffres et des mots sur tout ça. Merci à toi. Ouais, merci pour l'invitation. Et merci Guillaume. Et je crois quand même que je vais proposer aux auditeuristes une légère respiration musicale avant en plus d'envoyer Chronique Amère, histoire que vous avez remarqué peut-être le sujet n'est absolument pas léger. Donc je vais en profiter à nouveau pour valoriser les créations transfrontalières et en même temps annoncer un événement qui va être assez chouette. Je peux rajouter un petit truc peut-être. Ah ouais, juste j'avais envie de rappeler ou enfin en tout cas de dire que ce soir il y a deux rassemblements de soutien à la Palestine, un à 18h à la Bourse du Travail et appelé par des syndicats je crois, et un autre à 19h au Puy Couriot, et je pense que c'est important de le dire dans le contexte actuel. Ouais, on vous y retrouve. Oui, nous on y sera en tout cas. Ça marche. Et donc, qu'est-ce que je... Ah oui, ça y est. Le micro-label Do It Yourself, justement, qui est une création entre la France et le Maroc et qui, notamment, a permis la sortie d'un disque qu'on a pas mal joué puisqu'on avait fait venir ce groupe pour une duophonie. Il s'agit de Vitesse et Précipitation et leur Shahabi relativement revisité. Il y aura un concert ce vendredi 20. Au Ramina Grobis, qui se trouve 15 rue Georges Dupré, ce sera en compagnie du rap de Cisaille, de la noise de Shit et du spectacle Scène Noire de Paula Ripley. Une soirée à ne rater sous aucun prétexte. On écoute tout de suite M'as-tu vu de Vitesse et Précipitation et ensuite on aura le plaisir d'écouter le 22e épisode de Chronique Amère. Restez bien sur le 895 de Radio Dio. Tu as vu quand tu prends les deux. Hello, my friend. This is Alarm Phone. How are you, my friend? I hear you. Can you hear me? Hello, my friend. Okay, can you give me your GPS position? Can you give me your GPS position? Chronique amère. Chronique amère. Chronique amère. Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarm Phone. Freedom, item, meet him. Where's your freedom? Can you hear me? Are you at sea? Okay, I call you back. What kind of boat what are you do you on? See around you? Can you give me your GPS position? How many are you position? On the boat? I hear you. Can you hear me? As you can, and stay strong. Okay. Okay, I call you back. I will call Let's you back. Let's try calling again, because right now I can't hear anything. La Méditerranée est devenue un cimetière. Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée. Parce que la mer Méditerranée est une frontière. Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme. Parce que le racisme et le colonialisme tuent. Parce qu'en 2021, 1977 personnes sont mortes en traversant. 165 personnes par mois. 41 personnes par Près semaine. Près de 6 personnes par jour. Et bien bien plus dont on ne sait rien. Rien qu'une fois, faire les vagues et tout casser rien qu'une fois. Parce que des histoires existent derrière les chiffres. Parce que ces histoires doivent être racontées. Parce qu'on veut continuer à lutter. Parce qu'on ne veut pas oublier. Parce qu'on ne veut pas s'habituer. Parce qu'on savait. Parce qu'on savait. Parce qu'on savait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 22e épisode de Chronique Amère, une émission mensuelle où on décortique les politiques des frontières européennes et toujours depuis Alarm Phone. Faire des permanences Alarm Phone, c'est être en contact avec des personnes qui prennent la mer et qui nous appellent. C'est être en contact avec des proches qui nous transmettent des numéros de celles et ceux qui sont partis. C'est essayer d'appeler ces personnes sur les bateaux sans jamais réussir à les joindre. C'est aussi se rendre compte que certaines personnes disparaissent et qu'on ne sait pas ce qui leur est arrivé, ce qui s'est passé après leur départ, après qu'elles ont pris la mer. C'est réaliser que souvent, on ne le saura jamais. Aujourd'hui dans Chronique Amère, on avait envie de vous parler des personnes disparues en mer, aux frontières de l'Europe. On voudrait vous parler des naufrages invisibles. Oui, les naufrages invisibles, pour moi, c'est les naufrages que, quand ils font départ, on n'est pas au courant. Quand ils ne sont pas arrivés, on n'est pas au courant. Ça, c'est des naufrages qui sont invisibles, que tu ne peux pas compter. Les naufrages invisibles, de ma compréhension, c'est par exemple quand des bateaux partent et qu'il n'y a aucune information. J'avais une famille avec qui j'ai discuté presque pendant 2 ans. Vraiment, ce cas-là, je l'ai suivi. J'ai cherché partout parce que c'était une dame qui a perdu 2 de ses enfants. que jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune information. Ils sont partis le 25 décembre 2019. Et c'est des cas qui sont vraiment trop compliqués. Parce que, par exemple, s'il y a un naufrage, c'est juste que après il y aura une finalité, quoi. Bon, s'il y a un retour avec certains morts, certains arrivés, il y aura une finalité. Mais par exemple, un bateau qui disparaît et qui ne laisse aucune trace, tu vois, que la maman dont je t'ai parlé, son fils était disparu en fin 2019. C'est en 2022 qu'elle a pris la responsabilité d'en parler avec sa grande famille. Et c'est en 2022 qu'elle a commencé à accepter que peut-être ses enfants sont morts. Donc, c'est des situations qui sont compliquées parce que c'est des situations qui continuent et que tu ne sais même pas comment les gérer. Ces naufrages invisibles ne sont pas des accidents, mais bien des conséquences des décisions politiques orchestrées par l'Europe. C'est aussi de ça dont on veut vous parler dans cet épisode. Attention, parce que la situation est dure et violente en Méditerranée comme dans l'Atlantique, cette chronique et les cas qui y sont racontés peuvent être difficiles à entendre. Ce qu'on appelle la route atlantique, ce sont des départs depuis le sud du Maroc et le Sahara occidental, ou des départs bien plus au sud, depuis le Sénégal et la Mauritanie. La destination de ces traversées, les îles Canaries. Ces derniers mois, le nombre de départs depuis le Sénégal a fortement augmenté, notamment à cause de la répression des révoltes du printemps. Si tout se passe bien, il faut compter entre 2 et 5 jours pour rejoindre l'archipel espagnol depuis les environs de l'Aïoun au Sahara occidental. Depuis les côtes sénégalaises, c'est une traversée de 10 jours qui attend les personnes qui embarquent. Ces dernières années, la route atlantique est devenue la route la plus mortelle des frontières maritimes européennes. D'après Caminando Fronteras, un collectif de défense des droits des personnes en mouvement, en 2022, 1784 personnes ont perdu la vie sur cette route. Dans 90% des cas, elles n'ont pas été retrouvées. Au total, sur cette route, 64 bateaux ont disparu en 2022 sans laisser de traces. Cette route, il y a beaucoup de disparus. La mer de cette zone, ils sont des vagues plus féroces que les autres mers. Il y a des vagues qui sont très, très, très, très fortes, qui ont de la force. Et on constate aussi que là-bas, il n'y avait que des petites pirogues avant qui faisaient des départs là-bas. Parce que les pirogues sont en bois ou bien en coque, ils peuvent résister. Mais on voit des zodiacs gonflables qui partent par là-bas. Donc ça, c'est des risques qui causent les naufrages. D'autres points, c'est de prendre des mauvaises directions. Ça aussi, ça amène à les naufrages invisibles. Il n'y a pas que sur cette route que des bateaux se perdent ou font naufrage. La différence ici, c'est qu'ils disparaissent et leurs passagers avec. Au moindre problème, ils se retrouvent à la dérive sur l'océan, sans téléphone satellite Touraya, pour signaler leur situation de détresse. On a eu beaucoup de cas du côté du Canary avec cette situation des naufrages invisibles, des bateaux qui partent, qui ne laissent pas de traces. Il y a deux contextes qui font que les disparitions deviennent compliquées là-bas. Le premier, c'est par exemple la politique migratoire qui a été changée là-bas avec l'installation d'un système qui s'appelle SOX, le centre de coordination. Je peux même imaginer que c'est Frontex, quoi. Depuis que c'est arrivé, les sauvetages deviennent de plus en plus difficiles et ils ont militarisé la zone, ils ont délimité tout. Aujourd'hui, par exemple, quand un bateau quitte la zone du Sahara occidental et qui arrive dans cette zone de l'Atlantique, très souvent, si par exemple Salvamento dit qu'il ne peut pas arriver parce qu'ils sont, dans la zone marocaine et que les Marocaines, la marine marocaine vient très souvent, très très tardivement, 2 jours ou une journée après, impérativement, si c'est un bateau qui a un problème et que le moteur ne marche plus, Très souvent, ce sont les courants marins qui les déplacent et ça crée des disparitions. Il y a un autre cas aussi, c'est avec l'utilisation des téléphones Touraya. Parce qu'à un moment donné, dans cette zone, on n'utilisait pas les téléphones Touraya, on n'utilisait que les Android. Et les Android, à un certain niveau, ça ne fonctionne plus. Donc si les gens n'ont aucune information du bateau, c'est très difficile de faire la traçabilité, de faire la documentation. On a le même problème, par exemple, dans la zone du Sahel, que les bateaux qui quittent le Sénégal. Si je me rappelle bien, en 2021, entre 2021 et 2022, on a eu presque 4 bateaux qui sont disparus en même temps. Jusqu'à aujourd'hui, ces 4 bateaux-là, on ne les a même pas trouvés. J'habite à Arzeux, banlieue de Oran. C'est beau l'Algérie, mais ici c'est pourri. Des barres d'immeubles délabrés, couleur vieux gris délavé. La nuit avec mes amis, on rêve d'ailleurs, on fait la vie. Plutôt bon vivant, j'aime rigoler. Je connais tout le quartier me connaît. Je suis diplômé, mais j'ai pas de boulot. Avec ma famille, on vit dans un studio. J'aimerais leur offrir un avenir meilleur, un rêve qui me tient à cœur. Un soir on s'est mis d'accord avec mes gars, on s'est cotisé pour payer le babor. Ce sera le 3 à la nuit tombée, à l'entrée du port. En Méditerranée centrale aussi, beaucoup de bateaux font naufrage. Les politiques européennes de militarisation des frontières tuent sur toutes les routes. Les conditions de départ jouent également dans ces naufrages. En 2023, les départs de Tunisie se sont multipliés. Et les personnes embarquent le plus souvent dans des bateaux en métal. En fait, des plaques de métal assemblées à la va-vite, parfois simplement collées et qui peuvent se disloquer à tout moment. La différence, c'est qu'en Méditerranée centrale, non seulement les traversées durent moins longtemps, mais elles se font en plus dans un périmètre délimité et très fréquenté. Dans la zone de traversée, se croisent des pêcheurs, des navires marchands, des gardes-côtes, les bateaux de la flotte civile, le tout survolé par des avions d'ONG et des drones de Frontex. Ce qui fait qu'il est assez rare qu'un bateau disparaisse corps et biens. En Méditerranée centrale, les naufrages laissent toujours des débris et des corps à la surface ou sur les rivages. Et souvent, heureusement, des survivantes. Sur la route atlantique, des épaves et des bateaux à la dérive sont parfois retrouvés, mais cela reste tout à fait exceptionnel. Parfois, des personnes sont secourues alors qu'elles dérivent à des centaines de kilomètres des Canaries. Récemment, une pirogue s'est échouée sur une île du Cap-Vert avec 38 survivants à bord. Parfois, aussi, des épaves parviennent de l'autre côté, jusqu'aux côtes caribéennes. Et si les travailleurs et travailleuses de Salvamento Marittimo font leur possible pour retrouver les voyageuses perdues en mer, leur zone de recherche est cantonnée entre les côtes marocaines et sahraouies et les Canaries, ce qui les rend bien impuissants face à l'immensité de l'océan. AP 1501, 26 août 2023, 17h17. Alarmphone reçoit un appel d'une personne dont les proches sont partis à 3h du matin le jour même. Le bateau a quitté Tantan en direction des îles Canaries. Il y a 46 personnes à bord, dont 4 femmes. Le bateau est un Zodiac blanc avec un moteur 25 chevaux Yamaha 9. Les personnes à bord n'ont pas de téléphone satellite et leur numéro de téléphone marocain n'a plus de réseau. Il n'est donc pas possible de les joindre. La personne qui nous contacte est très inquiète. La météo est très mauvaise avec des vagues de plus d'un mètre de hauteur. 18h35, nous envoyons un mail d'alerte aux autorités espagnoles dans lesquelles nous leur transmettons toutes les informations que nous avons. Está usted llamando al Centro de Coordinación Regional de Canarias. 27 août, minuit 45. Nous rappelons Salvamento Marittimo pour leur demander des nouvelles du bateau. Ils sont débordés. Ils nous répondent qu'ils ont bien reçu notre alerte, mais qu'ils ont plusieurs missions de sauvetage en cours et qu'ils ne peuvent pas nous donner plus d'informations pour le moment. 15h, la personne qui nous a alertés à propos du bateau est de plus en plus inquiète. Nous voyons sur nos écrans un hélicoptère patrouiller au-dessus de la zone. Malgré cela, malgré nos appels aux autorités, nous n'avons toujours aucune nouvelle des 46 personnes parties depuis plus de 32 heures. Le 28 août, nous continuons de contacter Salvamento Marittimo, ainsi que la Guardia Civil de Las Palmas. Nous savons que plusieurs bateaux ont été secourus, mais aucune description ne correspond au bateau que nous recherchons. 17h54, alarme phone tweet. 46 vies en danger dans l'Atlantique. Le bateau est parti du Tintin il y a déjà 2 jours et a besoin d'être immédiatement secouru. 4 femmes font partie du groupe. Salvamento Marittimo est informé, nous demandant un sauvetage immédiat. Nous réaffirmons qu'il faut de traverser sûr et en finir avec la route la plus dangereuse de l'Europe forteresse. 18h02, nous appelons la marine royale marocaine qui nous informe qu'ils ont mené des recherches dans la zone mais qu'ils n'ont trouvé personne. Le 1er septembre, après avoir tenté pendant 7 jours de contacter les personnes sur le bateau et les autorités sans réussir à avoir des nouvelles, la permanence Alarmphone ferme le cas. Une équipe de suivi prend le relais. J'ai quitté mes amis, j'ai quitté ma ville, j'ai quitté ma ville. Je suis monté à bord, j'ai pris le navire, j'ai perdu la vie, j'ai perdu la vie. Cuando se cierra el caso 1501 para los turnos de Alarfon, un equipo de seguimiento intentamos investigar lo que ha podido pasar a este barco. Quand un cas est déclaré fermé pour les équipes de permanence d'Alarmphone, alors pendant les semaines qui suivent, une équipe de suivi tente de trouver des informations sur ce qui est arrivé aux personnes sur le bateau. Et souvent, il arrive qu'on ait des nouvelles après un certain temps. Mais on sait aussi qu'après la première semaine, les pronostics sont de pire en pire. Guardia Civil cada pocos días para intentar averiguar si el barco había sido localizado. Dans le cas de ce bateau, on a appelé la Guardia Civil tous les 2-3 jours pour essayer de savoir si le bateau avait été repéré. Et malheureusement, ils nous ont confirmé qu'ils ne l'avaient pas trouvé. Au bout d'un mois sans nouvelles, l'alerte se ferme et le bateau est considéré comme disparu. Non, nous n'avons pas d'informations. De hecho, Salvamento Marítimo estuvo haciendo reconocimientos con el avión. Cuando estamos en contacto con familias de personas desaparecidas en la ruta migratoria, lo primero que intentamos desde el equipo de seguimiento es ofrecer información del contexto de llegadas. Quand nous sommes en contact avec des proches de personnes disparues sur la route migratoire, la première chose que fait l'équipe de recherche est d'informer ses proches du contexte à l'arrivée, de comment fonctionne la bureaucratie, du temps d'attente et des scénarios possibles, de ce qu'on peut espérer ou pas. Parce qu'au final, le manque d'informations rend très difficile le deuil, et d'autant plus si la personne a disparu et qu'il n'y a pas de traces pour savoir si la personne est vivante ou morte. Uno de los días que llamamos a la Guardia Civil, nos dijeron que si hay interceptaciones, muchas veces en los lugares de origen, no les informan. Une fois, pendant un appel à la Salvamento Marittimo, ils nous ont informé que quand il y a des interceptions depuis le lieu de départ, ils ne sont pas toujours informés. Ils n'ont pas toujours cette coordination en temps réel. Et elles peuvent être informées de ces interceptions parfois un mois plus tard. Tout ça rallonge le temps d'incertitude des proches, en attente de réponse. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. On se demande souvent comment une telle situation est possible. Comment des bateaux de 5, 10, 200 personnes peuvent-ils tout simplement disparaître? D'un côté, les États déploient un arsenal impressionnant de technologies aux frontières de l'Europe. Des drones, des avions, des hélicoptères, des caméras, pour surveiller le mouvement des personnes qui les traversent. Et de l'autre, peu de moyens sont mis en place pour trouver ne serait-ce que des traces des personnes disparues. Les amis, les familles, les groupes activistes se retrouvent souvent les seuls à continuer pendant des mois à tenter de comprendre ce qui est arrivé au bateau. Les autorités européennes, quant à elles, se désintéressent vite de ces disparitions, c'est-à-dire de ces personnes, très certainement mortes en mer. La médiatisation et les recherches autour de ces naufrages invisibles reposent sur la mobilisation des proches dans la durée. Comment expliquer le silence des États européens? Comment expliquer l'absence de moyens, de recherches et de réponses aux questions des proches? Comment ne pas penser que ce silence autour des naufrages fait partie intégrante des politiques européennes migratoires? Que les États européens tentent de dissimuler les morts dont ils sont responsables en Méditerranée et sur la route atlantique. Lorsque le sous-marin Titan a disparu, à 3800 mètres de profondeur, les États ont déployé pendant 5 jours des avions militaires, des bouées sonars, des navires de garde-côtes canadiens, français et états-uniens, un navire d'installation d'oléoduc et de gazoduc sur les fonds marins, des robots sous-marins, un navire d'un grand groupe pétrolier norvégien, un navire de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, jusqu'à retrouver quelques débris du sous-marin, pour 5 personnes, dont 3 milliardaires. Quand nous sommes en permanence à l'armephone et que nous appelons les autorités à propos de bateaux disparus, ça nous met la rage de constater que les recherches s'arrêtent si vite. Parfois, c'est par manque de moyens, comme dans le cas de Salvamento Marítimo, l'organe public de recherche et de sauvetage en mer en Espagne. Souvent, c'est par des intérêts politiques. Quelques jours avant le naufrage du Titan, les autorités ont laissé plus de 600 personnes se noyer dans la mer Ionienne, au large de Pylos, en Grèce. Les recherches se sont arrêtées, alors que plus de 500 corps n'ont toujours pas été retrouvés. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que les médias utilisent différemment les images des mortes dans ces situations. Si des blancs, riches, meurent, des photos montrant leur visage bien portant sont diffusées dans tous les médias en long, en large et en travers. Alors que les trop rares fois où les naufrages de personnes exilées sont médiatisés, ce sont d'autres images qui sont utilisées, toujours les mêmes. Des centaines de personnes indifférenciées entassées sur un bateau ou des corps anonymes échoués sur une plage. Les photos utilisées perpétuent une imagerie coloniale par l'exposition de la souffrance des corps racisés. Un traitement raciste des images qui contribue à invisibiliser les individus et leurs histoires. Si nous souhaitons qu'une plus grande attention soit accordée aux naufrages invisibles, il ne s'agit pas de demander davantage de photos de corps anonymes entassés, de personnes photographiées alors qu'elles sont effrayées, mal à l'aise et humiliées, de photos choquantes mettant en scène la douleur d'autrui. Ce que nous demandons vraiment, c'est à quoi cela ressemblerait si les naufrages invisibles attiraient l'attention qu'ils méritent, si les victimes étaient traitées avec le même soin que les ressortissants européens disparus, les milliardaires disparus, les blancs disparus. Et qu'on en volvera, je ne reviendrai pas. On en volvera, je suis si loin déjà. On en volvera, un día jamás. Et qu'on en volvera, j'ai fait le premier pas. Qu'on en volvera, surtout ne m'attends pas. Qu'on en volvera, un día jamás. C'est l'indifférence générale de ceux qui ont les moyens de d'aider. Je ne vais pas mettre en parallèle le malheur des autres. Il y a 5 personnes qui se sont écrasées dans un submersible pour aller visiter le Titanic. Mais il faut voir tous les moyens qui ont été déployés pour sauver 5 personnes dans les bas-fonds à 4000 mètres d'eau. On a tout fait pour pouvoir les sauver. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sauver les personnes qui meurent dans l'eau sous prétexte que ça les dissuadera, mais ça ne dissuadera personne. Les gens continueraient à partir, même au prix de leur vie. Ils peuvent mettre Frontex comme ils veulent, le laisser mourir ne dissuadera personne. Donc il y a bien des responsables, il y a des politiques migratoires qui sont mises en place. Cette répression de la criminalité, c'est ça qui est responsable. Les autorités en sont responsables. À Alarmphone, l'une des manières de lutter contre le silence organisé autour des disparitions en mer, c'est de faire un important travail de documentation et d'analyse de ce qui se passe aux frontières maritimes de l'Europe. Le groupe qui travaille sur la Méditerranée occidentale et l'Atlantique produit notamment, tous les 3 mois, un rapport sur la situation dans cette région, sur le nombre d'appels reçus par Alarmphone, sur l'évolution des routes, sur la situation dans les pays de départ et à l'arrivée, sur les conséquences directes des contextes politiques pour les personnes exilées et celles qui franchissent les frontières. Les politiques migratoires sont la cause, la première cause, la cause majeure de ces morts tristes et atroces. Parce qu'on on a les moyens de faire autrement. Il y a des moyens que les gens ne prennent pas cette voie-là. Et le fait qu'il y ait trop de barrières, trop de frontières, trop de conditions humiliantes pour faire la demande d'un visa, c'est soit on te le donne, soit on ne te le donne pas. Ce qui rend difficile l'accès au déplacement des personnes. Parce que moi, je pense que s'il n'y avait pas de visa et pas de difficultés, les gens, ils se rueront pas de cette façon pour aller en Europe et y rester, même s'ils avaient des conditions merdiques là-bas. Si les gens pouvaient faire librement des allers-retours, pourquoi est-ce qu'ils prendraient la Méditerranée? Ils prennent la Méditerranée parce que pour beaucoup, c'est le seul moyen. Donc pour moi, la première cause, c'est des politiques migratoires mises en place par les Occidentaux et par le Maroc. Et puis la deuxième cause, pourquoi les gens partent? Les gens partent parce qu'ils recherchent des conditions meilleures que leurs conditions actuelles. Et c'est humain, c'est normal. Moi, je pense que si les Européens avaient été dans les mêmes conditions, ils auraient fait pareil. Donc c'est humain. On ne peut pas criminaliser les gens qui vont à la recherche d'autre chose. Et même si ce n'est pas pour rechercher une vie meilleure, on peut aussi avoir le besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Les Européens le font très bien. Ils viennent dans nos pays, ils visitent. Mais pourquoi est-ce que ceux du Sud n'auraient pas aussi cette facilité-là d'aller juste pour visiter, ce n'est pas un crime. Donc le fait qu'on criminalise ces déplacements-là, le fait qu'on va mettre des conditions de voyage qui sont inhumaines et drastiques, ça va provoquer ces genres de choses. Sur la route atlantique, en Méditerranée, dans les Alpes ou le désert, sur toutes les routes, tous les jours, des personnes disparaissent. L'alerte est souvent donnée par des proches, inquiets de ne pas avoir de nouvelles. Car si ces naufrages sont invisibles aux yeux des autorités, la disparition des naufragés est-elle bien réelle? Pour leurs familles et leurs amis, elle se vit par l'absence. Parfois, parler peut prendre du temps. Saliou nous racontait dans cet épisode l'histoire de cette femme qui a mis 3 ans à parler de ses fils disparus. Comme si le silence retardait la disparition, comme s'il permettait de prolonger l'espoir. C'est grâce à la parole des proches que l'on sait qu'une personne a disparu. Et c'est à travers leurs souvenirs que se dessine celle qu'elle était, sa vie, ses rêves, son histoire. Parce que les personnes disparues en mer ne sont pas juste des chiffres dans la comptabilité macabre des mortes aux frontières. Elles sont autant de vides laissés dans les vies et les cœurs de celles et ceux qui les ont côtoyées et aimées. Voilà, Chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. On avait envie de terminer cet épisode par des pensées de solidarité. Des pensées pour celles et ceux qui ont disparu sur les routes de l'Atlantique et partout ailleurs. Des pensées de solidarité pour leurs proches qui les cherchent inlassablement. Des pensées de solidarité avec celles et ceux qui tentent de traverser malgré les risques. Des pensées de solidarité pour les personnes qui, en ce moment même, sont harcelées, raflées, déportées vers le désert depuis les côtes tunisiennes. Des pensées de solidarité pour 9 des survivantes du naufrage de Pylos, actuellement emprisonnée et accusée d'avoir conduit le bateau qui a chaviré. Des pensées de solidarité avec celles et ceux qui continuent à se battre, 10 ans après les naufrages des 3 et 11 octobre 2013 au large de Lampedusa. Un an après ces naufrages, le réseau Alarmphone est créé. C'était il y a 9 ans. Des pensées pour tous nos camarades au sud et au nord de la Méditerranée. Merci à tous ceux qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui ont participé, qui ont fait des retours, qui ont diffusé. Merci à Aurore, Luna, Abdou et Saliou pour avoir partagé leurs analyses et pour tout le travail incroyable que vous faites. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de Jet FM et sur celui de Canal Sud. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées des frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez aussi consulter le site Watch the Med ou celui d'Alarmphone. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique amère et d'ici là, main sur le cœur et point levé. Thank you. C'est des chroniques amères que vous retrouverez donc tous les mois, le troisième mercredi de chaque mois, dans Plus Fort, j'entends rien, sur le 895 de Radio Dio. On va finir par des cadeaux, histoire de remonter un petit peu le moral qui est en berne, je le sens bien dans vos oreilles et vos maisons. Et on va commencer par un gros événement festif. Vous excuserez le contraste un petit peu brutal de cette fête de l'Europe qui rigole sur le son des musiques électroniques, notamment à Saint-Étienne, et notamment lors du festival Positive Éducation qui se tiendra du 31 octobre au 5 novembre cette année, avec à nouveau de super belles programmations pour les fans de musique électronique en tout genre, que ce soit techno, house, que ce soit basse musique, que ce soit électro, hip-hop, il va y avoir de tout. Ce sera encore à la Biennale du Design et décentralisé dans plusieurs sites, notamment pas mal d'événements gratuits en journée. Je vous encourage fort à aller voir le site de Positive Éducation pour découvrir les très nombreux projets qui vont se produire là. Alors bien sûr, il y a les grands noms, il y aura Aneta, il y aura Amnesia Scanner, Jennifer Cardini, etc. Mais c'est aussi dans toutes les découvertes et les projets un peu moins connus du grand public et qui n'ont pas une affiche régulière au Rex Club que se joue l'intérêt de ce festival. Et notamment, eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons des invitations pour le mardi soir, 31 octobre, qui verra la venue de Catnap et son électro, hip-hop, plus ou moins autotuné en fonction des albums. Vous pouvez appeler au 04 77 25 05 94. Voici tout de suite Catnap à Positive Éducation sur le 895 de Dio. Catnap à l'instant sur le 895 de Radio Dio, donc sur la scène principale à la Cité du Design, lors du Positif Éducation Festival, une deuxième annonce de concert qui vaut des points et qui sera à Saint-Étienne. Ce sera le vendredi 27 octobre cette fois, un des deux très bons concerts du très bon trimestre du Fil cette saison. Félicitations, avec un groupe qu'on kiffe particulièrement ici et qu'on a pas mal joué, un groupe tourangeau toujours trio de batterie, synthétiseur, du rock sans guitare, du rock de trance avec des morceaux 5, 7, 10 voire 12 minutes qui promet d'être plus que physique. C'est le groupe Meul que je vous ai présenté plusieurs fois ici, qui sera en compagnie du groupe lyonnais Fonce Dalle. Une fort bonne soirée donc ce week-end du vendredi 27 octobre du côté de la SMAC Le Fil. On a des invites aussi, 04 77 25 05 94 ou contact@radio.org. Laissez bien vos coordonnées qu'on puisse vous recontacter. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de Beau Red de Meul et je vais d'ailleurs rendre l'antenne sur ces notes. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos autres. Ciao.